adoration, Seigneur, car tu es digne, Jésus. Jésus, Jésus soit le centre de ma vie. Jésus soit le centre de ma vie. Du commencement à la fin, tout parle de toi et tout est pour toi. Encore une fois, chantons le Jésus. Jésus soit le centre de ma vie. Oh, Jésus. Jésus soit le centre de ma vie. Du commencement à la fin. Tout parle de toi et tout est pour toi, Jésus. Rien d'autre ne compte. Jésus soit du commencement à la fin. Tout parle de toi et tout est pour toi, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Jésus, le plus beau nom. Oui, Jésus, glorieux nom. De Jésus, précieux nom. De Jésus, merveilleux nom. De Jésus, oh Jésus, Jésus, Jésus, Jésus. Seigneur, sois le centre. Glory, glory, hallelujah.

Je suis heureuse, tu as cédé ta vie glorieuse pour moi. J'entre dans ma destinée, j'entre dans mon héritage, j'entre dans ma destinée. Jésus, sois exalté, notre roi. Jésus, sois notre roi. Jésus, sois notre roi. Jésus, sois notre roi. Jésus, sois notre roi.